Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le Cuba de Fidel Castro. Alors vous savez que Fidel Castro arrive à Montréal, monsieur. Aujourd'hui même. Qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là? Cet homme-là, je ne peux pas me prononcer à l'heure actuelle parce qu'on ne sait pas ça fait combien de temps qu'il est au pouvoir, ça fait pas très longtemps. Le mec qui a fait ses preuves, ben là, on dira qu'est-ce que c'est, si c'est un bonhomme ou si c'est un mauvais. Moi, je pense que c'est un bonhomme, il est mon homme, parce qu'il a fait une bonne job. Je ne veux pas dire qu'il va réussir dans sa lutte, parce qu'à manière de lui, il n'y a pas de finance. Il faut qu'il soumette à la haute finance. Bien, je pense que c'est très bien ce qu'il a fait, pour, au moins pour les pauvres gens. Fidel Castro a peut-être fait une bonne chose en enlevant Batista de là-bas à Cuba, mais en s'en prenant la force, en soulevant la masse, Castro a très mal agi. Parce que soulever une masse, c'est ce qui est le plus facile à faire au monde. Et puis couper des têtes, couper des oreilles, enfoncer des baïonnettes, passer une mitrailleuse, c'est très facile. Ça n'a jamais rien réglé. Les commentaires de quelques Montréalais au moment de la visite de Fidel Castro à Montréal en février 1959. Fidel Castro qui vient de renverser le régime de Fulgencio Batista quelques semaines auparavant, le 8 janvier 1959. Le leader Maximo Castro qui va régner en roi et maître sur Cuba durant presque 50 ans jusqu'au moment de passer définitivement la main à son frère Raoul en 2008. C'est ce Cuba de Fidel Castro que nous vous raconterons aujourd'hui. Affrontement vous présente ce soir l'un des personnages les plus romantiques de l'actualité, Fidel Castro, le révolutionnaire de la montagne cubaine, aujourd'hui premier ministre de son pays, homme d'État admiré, discuté, qui donne une conférence de presse à Montréal pour tous les journaux du Canada. The trade, the machinery, the foods. Fidel Castro en conférence de presse à Montréal le 13 février 1959. Jean-Michel Leprince, bonsoir. Oui, bonsoir. Jean-Michel, merci d'être avec nous d'abord. Personnage romantique, dit Gérard Pelletier dans cette introduction de l'émission Affrontement. Personnage romantique, homme d'État admiré. On l'oublie, mais au tout début, les tout débuts, l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro réjouit Washington, Ottawa. C'est très, très bien vu au début. Absolument, parce qu'il s'est débarrassé d'un dictateur, Fulgencio Batista, particulièrement cruel. C'était un fait d'armes très important parce qu'on considérait Cuba à l'époque comme un petit peu le casino des États-Unis. Tout était corrompu, donc on se débarrassait de quelqu'un de très nuisible pour tout le monde, y compris pour les Américains. Romantique, bien sûr, parce que son épopée est totalement improbable. Ses premières actions, la prise de la Moncada, ça aurait dû échouer. Son débarquement avec le Granma, ça aurait dû échouer aussi. Il est resté 16 survivants des 82 hommes. Son combat dans la Sierra Maestra aussi, ça aurait dû échouer. C'était totalement improbable. Cet homme-là, une chance incroyable. Donc ça a ajouté à son romantisme. Et ce romantisme qu'on a senti chez lui à l'époque, moi je dois dire qu'on le ressent encore chez certains nostalgiques, beaucoup en Amérique latine, peut-être même au Québec plus que dans le reste du Canada, malgré toutes les critiques qu'on a entendues de lui. Parce que ce dont vous venez de nous parler très, très rapidement, c'est au fond une première tentative de renversement dans les années 50. Et puis il sera en prison, il s'exilera au Mexique. Et il reviendra donc, et puis c'est deux ans de guérilla là, avant d'arriver à renverser Batista. Oui, et encore plus improbable, Batista lui-même, c'est défait. Son armée s'est désintégrée et ça aussi, c'est un coup de chance extraordinaire. Castro a aussi cette qualité d'attirer les gens autour de lui et de les convaincre et de les passionner. On a rencontré un des derniers commandants survivants, le général Garcia, qui a dit on aurait fait n'importe quoi pour lui. Et c'est ce qui s'est produit. Donc tous ces barbus se sont multipliés à une vitesse incroyable. Ils ont réussi à prendre Santiago et très peu de temps après, la Havane et le pouvoir. Batista avait fui et avait pris l'avion avec beaucoup d'argent jusqu'en République dominicaine. Bon, la lune de miel dont on parlait il y a un instant avec Washington, avec Ottawa, ça ne durera pas. On va se rendre compte très vite qu'il n'est pas qu'un démocrate, c'est aussi quelqu'un qui est à gauche, franchement à gauche. Ses politiques seront anti-américaines, nuiront aux intérêts américains à Cuba. C'est quoi ses premières décisions qu'il prend? Ça va venir très vite. D'abord, quand il est venu aux États-Unis la première fois, Eisenhower n'a pas voulu le rencontrer. Nixon était là pour le jauger. Oui. Il a dit, il est peut-être pas communiste. Bon, et on, c'est fou on quand l'a même. Vu. C'est absolument. On cherche à voir est-ce qu'il est communiste. Et moi, je pense qu'il l'était déjà communiste du temps de la Moncada. Il l'a avoué après. Oui. Mais officiellement, non. Il nous l'avait dit à la CBC dans la Sierra Maestra. Non, je suis pas communiste. On n'a rien contre les compagnies. Exactement. Oui. On est des démocrates en fait. Oui. Et ce qui s'est produit très vite, c'est la nationalisation des compagnies de sucre américaines. Et puis ce qui a été la goutte de pétrole qui a fait déborder le tout, si vous voulez, c'est le refus des raffineries américaines, des compagnies américaines, de raffiner du pétrole soviétique, parce que là, les États-Unis commençaient à couper les ponts, notamment le sucre vers les États-Unis, le pétrole vers Cuba. Mm-hmm. Donc là, très vite, Castro s'est approvisionné en Union soviétique. Et là, après ça, évidemment, Castro nationalisait les compagnies pétrolières américaines. Donc là, c'était terminé. Après ça, c'était les sanctions, ouais, les unes après les autres contre Cuba. Et ce sera ça, l'histoire de relations entre Cuba et les États-Unis. Un jeu de va-et-vient. Cuba qui durcit le ton, qui se rapproche des Soviétiques. Washington qui serre la vis. La baie des cochons va arriver très vite en 61. La CIA est derrière tout ça. Ouais. On veut renverser Castro. Oui. Puis là, c'est sous Kennedy. Sauf que c'est un plan mal élaboré de Eisenhower encore. Envahir Cuba par la baie des cochons, ce qui est un endroit encore tout à fait improbable pour réussir quelque chose. 1400 hommes, des Cubains d'origine, envoyés là, sans aucun soutien de l'aviation. Et c'est Kennedy qui a malgré tout exécuté le plan. Et l'espoir, c'était que les Cubains allaient se révolter contre le nouveau régime de Castro. Et ça s'est évidemment pas produit. La petite armée d'invasion était anéantie. C'était une victoire encore retentissante des troupes des barbus de Fidel Castro. Ouais. Et ça a ajouté à cette image de romantisme que vous avez décrite au début. Et ça donnera donc des sanctions de la part de Washington. Toujours ce jeu. On est échec de la baie des cochons. Washington qui va serrer la vis. Et puis très vite après la baie des cochons. La baie des cochons, c'est 61, Jean-Michel. Ouais. Mmh. Évidemment, ouais, cet autre épisode marquant du début du régime Castro, la crise des missiles de 1962. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Le président John Fitzgerald Kennedy qui annonce à la télévision aux Américains le 22 octobre 62 qu'il y a donc des installations sur l'île de Cuba prêtes à accueillir des missiles soviétiques, c'est la crise des missiles, Jean-Michel Lebrun. Des missiles nucléaires, ouais, potentiellement. Ça, c'était grave. Aux portes des États-Unis. C'était une idée de Khrouchtchev cette année-là, 61. On était en pleine guerre froide. Là, c'était un des moments, un des summums de la guerre froide. Fidel Castro s'était déjà annoncé, défini comme marxiste-léniniste. Donc, l'alliance avec l'Union soviétique était consommée. Ouais. C'était clair. Et donc, Fidel Castro a adhéré à cette idée d'envoyer des missiles. On est passé à deux doigts de la guerre nucléaire. Vraiment. Et on peut dire maintenant que Khrouchtchev, c'était la partie de bras de fer entre Kennedy et Khrouchtchev. Kennedy a gagné, mais Khrouchtchev a eu peur de ce qui pouvait se passer. À un moment donné, et c'est contesté par Fidel Castro, mais il écrit une lettre à Khrouchtchev en disant si les États-Unis devaient envahir Cuba, attaquer Cuba, il ne faudrait pas hésiter à bombarder la Floride, envoyer un missile nucléaire sur la Floride. Ça aurait voulu dire l'anéantissement total de Cuba. Cuba aurait été rayé de la carte. Donc, et il était prêt à ça, Castro. On le dit, et le fils de Sergei Khrouchtchev, le fils de Nikita Khrouchtchev, qui était son conseiller à l'époque et qui a participé à tout ça, on l'a su après, il y a des conférences, et il dit que son père a eu peur de cette attitude de Fidel Castro, et ça a été un des éléments pour le faire reculer. Finalement, il y a eu un accord plus ou moins secret entre Kennedy et Khrouchtchev. Les États-Unis retiraient, sans le dire, des missiles de Turquie et d'Italie, je pense. Et là, Khrouchtchev acceptait de retirer les missiles soviétiques de Cuba. Et puis surtout, cette espèce d'engagement des États-Unis, nous n'essaierons plus de renverser Castro. C'était ça aussi qui était dans la balance. Voilà. Et après ça, l'idée, c'était de se débarrasser de Castro et d'affaiblir Cuba par toutes sortes de sanctions, sans évidemment l'envahir. On peut se rendre compte que c'était impossible, même à cause de cette guerre froide encore. Il y aurait eu une riposte soviétique immédiatement après. Donc, d'après ça, c'est une longue histoire qui continue jusqu'à nos jours. Cette photographie, empezamos a tener ya un poco más la convicción de que la noticia podía. Cuba est en deuil. Le 15 octobre, Après une semaine d'hésitation, Fidel Castro convoquait une conférence de presse dans un studio de télévision à La Havane. Avec des sanglots dans la voix, il déclarait « Les nouvelles sur la mort du commandant Ernesto Guevara sont douloureusement vraies ». Et pendant plus de 2 heures, montrant des photographies, analysant les dépêches des agences, rappelant les cicatrices que portait le Che, il allait accumuler les preuves, balayer les moindres doutes. Comme si, pris dans un cauchemar, il ressentait le besoin de convaincre son peuple et lui-même de la mère réalité. Octobre 67, Jean-Michel Leprince, on annonce donc la mort d'Ernesto Guevara. Le Che est assassiné en Bolivie. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un extrait d'un reportage de l'ORTF à l'époque. On voit donc comment réagit. C'est un très, très dur coup pour Castro. Ça nous permet de parler de la relation qui sera vraiment très, très importante entre les deux hommes. Oui, puis ça, la légende du Che a commencé là. Vous vous souvenez de ce cadavre qui ressemblait à un Christ étendu sur une espèce de lavoir en Bolivie, donc après son exécution par l'armée bolivienne. Ils étaient très proches. Selon la fille du Che, Aleida, qu'on a rencontrée en février dernier, ils se considéraient les deux comme des égaux intellectuels. Mais, elle dit, mon père était quand même prêt à obéir, à tout faire pour Fidel Castro. Il se subordonnait de lui-même à Fidel Castro, même si intellectuellement il était au même niveau. C'était une belle relation. C'était un des deux commandants étrangers de la Révolution. Seulement, il y en a un autre, un Américain, qu'on a évidemment oublié. Sauf qu'il avait plus sa place à Cuba. Il a été ministre de l'Industrie après la Révolution. Il a été président de la Banque de Cuba, oui, où il signait les billets, le Che, la fameuse signature sur les billets de 2 ou de 3 dollars, de 3 pesos, mais ça marchait plus. Oui. Il était désillusionné de la relation avec l'Union soviétique. Il la trouvait hypocrite. Et il trouvait le modèle chinois un peu plus intéressant. Donc il a essayé une aventure au Congo avec Laurent Kabila. Oui. Ça s'est échoué lamentablement. Et après, il s'est essayé en Bolivie, oui, parce que c'était près de l'Argentine, près de chez lui. Il voulait fomenter une révolution à partir d'un endroit aussi impossible, improbable. Le pire endroit, probablement, pour commencer une guérilla. Et il s'est fait, évidemment, capturer assez vite et tuer. Donc, si Guevara est très... a de fortes réticences par rapport au régime soviétique... Castro, lui, va s'en rapprocher. Là, on entre vraiment dans cette espèce d'âge d'or. Il y a eu la baie des cochons, il y a eu la crise des missiles, Guevara qui part, et Castro vraiment qui développe une relation très proche, économiquement très, très importante avec l'URSS. Oui. Juste pour finir avec Che Guevara, on a dit beaucoup que Fidel Castro l'avait presque envoyé à la mort en Bolivie. Et il a toujours nié, évidemment. Il dit non, c'est faux. C'est totalement faux. Mais Che Guevara avait, selon Fidel Castro lui-même, une tendance un peu suicidaire aussi, ce qui explique un petit peu la fin tragique et spectaculaire. Alors cette relation avec l'Union soviétique, c'était l'engrenage, ça a continué. Ça a amené des belles années dans les années 70 jusqu'en 80. Ça marchait bien. Cuba recevait du pétrole soviétique, envoyait des oranges, envoyait du sucre qu'ils vendaient à prix fort. Le pétrole soviétique était pas cher et Cuba le revendait pour obtenir des devises qui lui permettaient de contourner l'embargo américain. Il y a eu une période assez faste, disons, pas un âge d'or, mais là, à ce moment-là, Castro en a profité pour faire toutes ces réformes jusqu'en 1975, je dirais, tout ce qui est scolarité, scolarisation, l'éducation des Cubains est exemplaire par rapport aux autres pays d'Amérique latine, c'est bien supérieur, la santé aussi, tout le système de santé, tout ça a été mis en place, ça dure jusqu'à maintenant. Bon, il y a des faiblesses, évidemment, maintenant, pour toutes sortes de raisons, mais c'est à mettre à son crédit. Et puis, évidemment, le plus dur a été la chute. Oui, voilà. Parce que la chute du mur de Berlin, l'effondrement de l'URSS, ça change tout. Parce que à l'époque de cet âge d'or, Jean-Michel, il y a pour l'URSS cette antenne extraordinaire du communisme en terre d'Amérique, et il y a pour les Cubains vraiment l'URSS qui est un peu le poumon économique artificiel de l'île de Cuba. Mais avec l'effondrement de l'URSS, tout ça disparaît. Ouais. Et puis, c'est dur, ça. Économiquement, c'est la catastrophe pour Cuba. Alors c'est la catastrophe, et en plus Cuba était mal préparé. Mais alors vraiment mal préparé, et Fidel Castro a dit récemment dans une biographie à Katiuska Blanco, sa biographe, qu'on a eu tort de croire que les autres pouvaient régler les questions économiques pour nous. Bon, ça, sous-entendu les soviétiques. Ils étaient tellement mal préparés que la chute du communisme du bloc soviétique, c'était en 89. Bon, jusqu'en 94-95, Cuba était encore sous le choc. Par exemple, les pommes de terre, le poulet venaient d'Allemagne de l'Est. Bon, ils produisaient pas de pommes de terre ni de poulet à Cuba. Ça a duré des années avant qu'ils commencent à songer à faire produire. Et j'y suis allé à ce moment-là et c'était catastrophique. Il y avait rien à manger. C'était vraiment, ils appelaient ça la période spéciale en temps de paix. Et c'était dramatique. Les Cubains ont souffert de tout, de la faim. Beaucoup sont partis sur des radeaux, vous souvenez, vers les États-Unis. Il y a eu beaucoup de morts. On disait que la moitié périssait en mer. Alors, ça leur a pris longtemps à s'adapter à ça. Et moi, je dirais qu'ils sont encore, encore là-dedans. Ils ne sont pas tout à fait adaptés. Et puis, politiquement, ça demande aussi une espèce de réalignement. Le grand frère soviétique n'est plus là. Ce sera, au fond, la construction de cette espèce de front sud-américain. Là. On pense à Chavez. Ouais. C'est ça. Alors, donc, Cuba a été longtemps isolé jusqu'à l'apparition, en 98, de Hugo Chavez. Et c'est lui qui a donné cette impulsion. Et les autres leaders latino-américains trouvaient aussi que c'était pas normal, quel que soit le régime en place à Cuba. En Amérique latine, on a beaucoup de respect pour la souveraineté des pays. C'est la clé de tous les convictions de ces pays-là. Et on comprenait pas que Cuba soit aussi isolé que ça, exclu de l'OEA, qui est dominée par les Américains. Et tous ces leaders ont essayé ensemble de réhabiliter Cuba et ils ont réussi finalement. C'est l'aboutissement maintenant. Évidemment, Obama y est pour quelque chose, mais Cuba n'était plus un paria pour toute l'Amérique latine et pour d'autres pays en Europe, entre autres. On était beaucoup plus souple envers Cuba que, bien sûr, les États-Unis. La relation, Jean-Michel Leprince, entre Cuba, entre Fidel Castro et l'Église catholique, extrait d'un reportage de Pierre-Léon Lafrance sur la visite de Jean-Paul II à La Havane. On est en 1998. Fidel Castro a livré au pape un vibrant message d'adieu dans lequel il l'a remercié d'être venu livrer aux Cubains un message qui, dit-il, à défaut d'avoir tout son assentiment, avait la vertu de viser à la création d'un monde parfait. Auparavant, le leader de la révolution cubaine avait fustigé les États-Unis et leur embargo qu'il rend responsable des privations individuelles et collectives dont souffrent les Cubains. Un gigantesco Goliath de la era nucléaire. En réponse, le pape a aussi dénoncé comme inacceptables les mesures économiques restrictives imposées de l'extérieur et qui peuvent causer la pauvreté matérielle et morale chez un peuple. Mais le pape y a aussi mis du contexte. Il dit que tout ce qui cause la pauvreté matérielle et morale, soit les inégalités, l'injustice, les limitations des libertés fondamentales, la dépersonnalisation et le découragement des individus, sont tout aussi inacceptables et tout aussi contraires à l'éthique. Un dialogue intéressant qui montre cependant le fossé qui sépare les deux visions du monde qui se sont côtoyées ici au cours de la dernière semaine. Ici Pierre-Léon Lafrance, à La Havane. Alors, comment, Jean-Michel Leprince, décrire cette relation entre Castro et l'Église catholique? Bon, déjà, là, en faisant venir le pape, c'est un peu cynique, mais il a eu ce qu'il voulait. Le pape a condamné l'embargo américain, c'était clé. Le pape a souligné aussi tous les manquements au régime cubain envers les droits de la personne. Et c'est clair dans le reportage de Pierre-Léon, il y a une instrumentalisation de l'Église catholique. C'est très clair. Mais ce qui a changé à Cuba, ça remonte à 93, et ce sont des pasteurs évangélistes qui ont fait changer Fidel Castro à la suite d'un voyage au Brésil où il a constaté que la religion avait énormément d'importance pour les gens en général. Puis il s'est rendu compte qu'à Cuba, c'était pareil. Alors, au lieu de favoriser la religion catholique, à laquelle il n'adhère pas, même s'il a une culture, une éducation jésuite, et probablement adhère aux valeurs du christianisme en général, il n'est pas catholique, et il a à ce moment-là toléré beaucoup de choses envers les religions, toutes les religions, les évangélistes et les catholiques aussi, même les santéristes. Les Cubains pratique une sorte de vaudou soft, un peu superstitieux, si vous voulez, variante de catholicisme, syncrétique, tout bazar. C'est très puissant à Cuba, donc tout le monde sur le même pied d'égalité. La différence, c'est que l'Église catholique est quand même restée assez bien organisée, et elle est maintenant une force sur laquelle on doit compter, et avec laquelle les Castro, les deux frères, ont négocié, négocient encore pour faire avancer des dossiers importants. C'est un pragmatique, au fond. C'est ça que ça nous dit aussi, sa relation avec l'Église catholique à Cuba. On peut pas, Jean-Michel Leprince, terminer cette émission sans parler de la relation entre Cuba et le Canada, de la relation entre Castro et Trudeau. Fidel Castro, mardi dernier. Il revient des funérailles de Pierre Trudeau. donde tuve que ir a los funerales de un gran amigo. Excusez le complet veston, lance-t-il à la foule, habituée de le voir en habit militaire, mais je reviens du Canada, des funérailles d'un grand ami. Benton. Venez, nous a-t-il dit, je veux vous montrer quelque chose. C'était un montage fait à partir de ses archives personnelles à la mémoire de Pierre Trudeau. Fidel Castro, le leader maximo, l'unique maître de cette île de Cuba, l'un des derniers bastions communistes de la planète avec la Chine et la Corée du Nord, sera si touché par la mort de Pierre Trudeau qu'il déclarera 3 jours de deuil national. La nouvelle de sa mort était partout à la télévision d'État. Ah voilà, ça c'est un extrait d'un reportage de Paul Robitaille au moment où Fidel Castro revient de ses funérailles de Pierre-Éliott Trudeau. Trudeau donc qui se rendra dès 76 à Cuba. Pourquoi il y va en 76? Quelle est la vision de Trudeau, de Castro et de Cuba? Alors, Trudeau, une indépendance vis-à-vis des États-Unis. C'est pas les États-Unis, puis il l'a montré à d'autres occasions, c'est pas les États-Unis qui vont nous dicter quoi faire. Le Canada n'a jamais rompu ses relations diplomatiques avec Cuba, comme le Mexique, ça dure. Et il y avait une curiosité certaine, intellectuelle, et il y a eu une relation qui s'est établie entre Trudeau et Castro, très intellectuelle aussi, un petit peu comme avec Che Guevara. C'était deux grands lecteurs, deux grands intellectuels qui étaient capables de s'épuiser à discuter de grandes questions du monde entier. Ça a beaucoup plu à Fidel Castro. Pierre Trudeau était séduit également. Il y avait aussi sa femme, Margaret Trudeau. Le couple allait mal, mais là, pendant cette visite de 3 jours à Cuba, ça allait assez bien, et Castro a été séduit par Margaret Trudeau, et aussi par le petit Michel, qui avait 6 mois, je pense, à l'époque. Il n'en revenait pas que le couple Trudeau amène un si jeune bébé. Donc, cette relation a duré longtemps parce que Pierre Trudeau y est retourné à titre privé plusieurs fois à Cuba après. Et puis, il y a cette relation avec le Canada qui dure encore. Le plus grand investisseur étranger à Cuba de tous les investisseurs, c'est une compagnie canadienne, la Chérite, qui exploite le nickel là-bas. C'est à peu près la seule grande. Et vous souvenez, à l'époque, Trudeau avait vendu des locomotives à Cuba à la grande protestation des États-Unis. Donc, c'était une façon de faire un pied de nez aussi à Richard Nixon, je pense, à l'époque. C'est déjà la fin de cette émission. Une dernière question. Évidemment, Castro va passer la main à Raoul provisoirement en 2006, de manière officielle en 2008. Mais en quelques secondes, comment résumer cet homme-là? Il y a ce personnage de Don Quichotte qui est très espagnol, très hidalgo. C'est un homme qui est très chevaleresque aussi, très soigné de sa personne. C'est quelqu'un de l'ancienne époque, de l'ancien temps. C'est un caudillo typique à la latino-américaine, à l'espagnol aussi. Ça, c'est culturel, c'est très fort. Et puis, il y a cette obsession des moulins à vent, appelez ça comme vous voulez, mais les États-Unis. Et c'est clair. Et jusqu'au bout, il a dit que même quand il y a eu l'accord entre Obama et Raoul Castro, son seul commentaire, c'est de dire « Je ne ferai jamais confiance aux États-Unis ». Donc, il continue sa lutte contre le géant américain malgré tout. Ça a été l'obsession de sa vie. Jean-Michel Leprince, collègue à la télévision, ça a été un bonheur de vous recevoir. On aurait pu vous entendre des heures et des heures, cher ami. Merci beaucoup, Jean-Michel. De rien, c'est un plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.